12-17, activation orale, pronoms personnels et impératifs. Transformez les phrases selon les exemples. Par exemple, vous entendez. 1. Il faut que tu demandes le numéro de téléphone de Mireille. Et vous dites. Demande-le. Ou bien vous entendez. 2. Il faut vous reposer. Et alors vous dites. Reposez-vous. Allons-y. 3. Il faut te reposer. Repose-toi. 4. Il faut écouter le professeur, vous deux. Écoutez-le. 5. Toi aussi, il faut écouter le professeur. Écoute-le. 6. Il faut vous lever. Levez-vous. 7. Et toi aussi, il faut te lever. Lève-toi. 8. Il faut nous reposer. Reposons-nous.